Le diktat des maîtres. Sur l'échiquier du monde, les pions avancent. Sous le regard des tours, des fous, des cavaliers, chaque mouvement est un destin tracé. Dans ce jeu silencieux, la volonté danse. Atelier des mots, l'accord est façonné par des mains invisibles, l'approbation est tissée, l'assentiment souffle comme un verre délicat, l'acquiescement devient un art subtil, un éclat. Les voiles de l'agrément flottent douces et claires. Dans le ciel de l'acceptation, aucune affaire. L'autorisation, un phare dans la nuit de doute. La permission, une clé qui ouvre toutes les routes. L'adhésion. Un pont par-dessus les eaux troubles, l'inhumanité, un cœur où chaque voix redouble, le consensus, un môme sur les plis du débat, la ratification, un saut sur ce qui sera. L'adoption d'idées, comme des enfants choisis, l'aveu qui se glisse entre les lèvres, il glisse la concession, un terrain cédé sans combat, l'entérinement, un accord qui ne faillit pas. L'accréditement, une étoile dans la nuit. L'agrégation, un oui qui jamais ne trahit. La tolérance, un jardin où tout peut fleurir. L'homologation, un signe pour consentir. Le commun accord, une danse d'harmonie. L'habilitation, un pouvoir qui bénit. Le permis, un billet pour un voyage lointain. L'accréditation, un passeport pour demain. Le laisser-passer, un sésame pour les portes. La sanction, un jugement qui nous emporte. Le visa, un tampon sur le passeport de vie. La session, une accession, une ascension vers l'infini. La primature, une marque de l'autorité. La licence, une liberté du mandaté. L'aval, un courant qui nous porte en avant. L'admission, une entrée dans le courant. L'entente, un accord qui lie deux âmes. La complaisance, un vent qui apaise les drames. Le droit, une règle qui guide nos pas. Le congé, un repos mérité, voilà. La conformité, un moule où l'on coule nos jours. L'unité, un fil qui tisse nos amours. La disponibilité, une main tendue vers autrui. L'harmonie, une musique qui adoucit la nuit. Le gré, un choix qui vient du cœur, l'empressement, une hâte sans peur. Dans cette fabrique où tout est mesuré, le consentement est un art à peaufiner.